Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Lénine est mort. Voilà ce que titre sur 5 colonnes à la une le journal L'Humanité le 23 janvier 1924. Hier, à la fin d'après-midi, nous parvint à l'Humanité la nouvelle de la mort de Lénine. Nous ne pouvons traduire ici par des mots la douleur et l'émotion dont nous sommes envahis. Une photo illustre cette une, c'est Lénine qui nous regarde dans les yeux avec pour légende Vladimir Lénine. Vladimir avec un W, celui qui était surnommé le vieux meurt à seulement 53 ans le 21 janvier 1924. En Russie, la décision est prise de conserver son corps. Lénine embaumé, attention au mythe. Vladimir Ilitch Lénine. Hier, à 6h50, est mort le camarade Lénine. Cette année a vu ce que ne verront pas 100. Ce jour entrera dans la morne légende des siècles. Vladimir Maïakovski sur la mort de Lénine, lu par Nathalie Nerval. Bonjour Sabine Dulin. Bonjour. La mort de Lénine, c'est un choc international. Je lisais la une de l'Humanité. Alors on s'en doute bien, l'Humanité, oui d'ailleurs, pourquoi pas. Mais vrai choc international. Oui, bien sûr, puisque c'était quand même le fondateur d'un premier régime communiste dans le monde. Le choc a aussi été très fort en Russie même. Ça devait être énorme. Je fais étudier souvent une lettre. En fait, il s'agit d'un rapport de la police politique au moment de la mort de Lénine dans les campagnes pour savoir comment est perçue la mort de Lénine. Et on voit les paysans qui se réunissent, qui se demandent si, ce que ça va donner, est-ce qu'il va y avoir la guerre, qui va prendre le pouvoir, et ils demandent tous de faire une messe pour Lénine. Ah oui, voilà, donc on relie ici Lénine à une autre histoire, qui est celle de l'histoire de la Russie, avec, on évoque l'émotion évidente, la tristesse, et effectivement l'incertitude, on peut le dire tout de suite, parce que cette incertitude, nous l'écartons, on sait ce qui se passe après, et Staline arrive au pouvoir, on voit comment ça se passe. Il y a une incertitude à ce moment-là, la mort de Lénine ? En tout cas, oui, pour la plupart, Lénine vraiment fait corps avec ce nouveau régime et on a une direction collective avec finalement une répartition des tâches et on ne sait pas très bien qui va l'emporter dans une société où on a l'habitude d'avoir un seul chef et où donc l'idée de direction collective n'a pas véritablement de force. Alors, ce qui circule, c'est les noms de Zinoviev, Kamenev, Trotsky. Et finalement, celui qui va sortir de l'ombre, c'est Staline, qui est déjà très présent partout, mais c'est pas celui qui était le plus en avant pour l'opinion publique en général. Sabine Dulin, vous êtes professeure à Sciences Po, spécialiste de l'histoire de la Russie et du communisme, avec, oui, ce personnage de Staline, qui, en 1924, au moment de la mort de Lénine, n'est pas obligatoirement le favori. Il y a d'autres noms que vous avez évoqués. C'est une histoire aussi qui se joue en coulisses. Et qui va prendre le pouvoir? Mais qui, j'ai envie de dire au singulier ou au pluriel? Ça peut être plusieurs personnes. Oui, a priori, l'idée était la direction collective du Parti communiste. Donc on aurait pu imaginer cela. Et d'ailleurs, dans les derniers écrits de Lénine, Lénine essaye justement de montrer tous les défauts des uns et des autres pour dire qu'il vaudrait mieux rester dans le collectif. En même temps, Staline est depuis déjà plusieurs années le secrétaire général du Parti communiste, ce qui lui donne un rôle administratif à l'époque, fondamental pour finalement manier le parti et finalement profiter de la mort de Lénine pour prendre sa succession. Vous venez d'évoquer, Sabine Dulin, les écrits de Lénine avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture. Jean-Jacques Leclerc, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur honoraire des universités à Paris-Nanterre et à Cardiff, spécialiste de la philosophie du langage, et vous publiez « Lénine et l'arme du langage ». Alors, bien sûr, qu'on parle des écrits de Lénine, ça vous fait d'un seul coup titiller l'esprit, parce que ici, nous avons quelque chose qui est très important avec Lénine, il faut le rappeler, durant une longue partie de sa vie, c'est un intellectuel qui travaille, qui écrit beaucoup. L'arme du langage, chez Lénine, comment la définiriez-vous ? Eh bien, la pratique politique de Lénine, pendant une grande partie de sa vie, a été essentiellement une pratique de discours, de langage. Il ne se passait pas un jour pratiquement sans que Lénine écrive un article, une résolution de congrès, prononce un discours. Et comme il était en exil en Sibérie et puis en Suisse et un peu partout en Europe, sa pratique principale, c'était l'écriture et le discours. Et pour lui, le langage est une arme en ce sens que ces écrits sont doués d'un efficace politique. Après tout, le langage est l'élément de la politique. La politique, c'est d'abord le débat et la discussion. Et Lénine a pratiqué ça, ce langage comme arme, avec beaucoup de talent. C'est une des raisons de son succès. En travaillant pourtant sur l'arme du langage chez Lénine, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas seulement ça, c'est-à-dire que il y a chez lui une rhétorique de la conviction, de la persuasion, mais il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la vérité, c'est-à-dire Lénine est attaché à prendre conscience de la vérité des situations dans lesquelles son langage intervient, et qui est une vérité objective, qui ne dépend pas de lui. Et donc il y a une sorte de relation dialectique entre l'ajustement de son discours à la situation et le fait d'en dire la vérité. Donc c'est pas seulement un discours de persuasion rhétorique. Oui, et puis après, il y a toutes ces formes de langage, et notamment quand Lénine écrit, parfois il écrit des choses qui ne sont pas censées être immédiatement diffusées. Tiens, prenons son testament. Staline est trop brutal. Et ce défaut, pleinement supportable dans les relations entre nous, communistes, devient intolérable dans la fonction de secrétaire général. C'est pourquoi je propose aux camarades de réfléchir aux moyens de déplacer Staline de ce poste, et de nommer à sa place un homme qui, sous tous les rapports, se distingue de Staline par une supériorité, c'est-à-dire qu'il soit plus patient, plus loyal, plus poli et plus attentionné envers les camarades, moins capricieux, etc. Cette circonstance peut paraître une bagatelle insignifiante, mais je pense que pour prévenir une scission, et du point de vue des rapports entre Staline et Trotsky, ce n'est pas une bagatelle. À moins que ce ne soit une bagatelle pouvant acquérir une signification décisive. Le testament politique à propos de Staline, quand Lénine écrit cela, nous sommes en janvier 1923, c'est-à-dire un an avant sa mort. Et dites donc, Sabine Dulin, il y a une certaine méfiance quand on entend ça. Oui, alors, elle date de ces dernières années où, justement, dans le contexte de sa maladie, puisqu'il fait des AVC, donc depuis 1922, et Staline, à ce moment-là, a un comportement relativement brutal à l'égard de sa femme, Krupskaya, et par ailleurs de la femme de Lénine. Ouais. Et puis par ailleurs, il y a tout le problème géorgien, c'est-à-dire que dans le contexte de la construction, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au même moment, on est en train de construire l'Union soviétique, donc cette Union des républiques socialistes soviétiques, dans laquelle doivent s'intégrer les différentes nations. Et on a donc la République de Géorgie. Et là, il va y avoir un comportement des amis de Staline, Orjonikidze notamment, très méprisant à l'égard des communistes géorgiens. Et ça, c'est quelque chose qui alerte Lénine. Donc, d'un certain côté, Lénine prend conscience, au moment où il est déjà affaibli et malade, des gros défauts de Staline. Il prend conscience à ce moment-là, parce que jusque-là, il y a plutôt une très grande proximité entre Lénine et Staline. Et d'ailleurs, Lénine lui a confié beaucoup de tâches. Et sur les nationalités, il l'appelait le merveilleux géorgien. Donc il y a quand même une proximité. Et il se rend compte à ce moment-là, parce que justement, il sait aussi que ses jours sont comptés, du danger de donner trop de pouvoir à Staline, qui, en fait, commence à l'utiliser de manière assez évidente un peu à l'encontre des autres collègues. Trotsky, lui, étant quelqu'un qui est sans doute moins politique, beaucoup moins politique que Staline, et qui ne sait pas justement se servir du parti pour monter dans, disons, pour arriver à garder du pouvoir. Et d'ailleurs, Trotsky va manquer quand même un moment très important, c'est l'enterrement de Lénine. Parce non, qu'il était... Trotsky n'est oui, pas à l'enterrement de il Lénine. Il n'est pas à l'enterrement de Lénine parce que il était parti faire de la chasse aux canards et il avait pris froid et donc il ne va pas prendre le train pour rentrer pour l'enterrement de Lénine. Évidemment, c'est une aubaine extraordinaire pour Staline. Avec un personnage comme Lénine qui était malade depuis plusieurs années, vous l'avez rappelé Sabine Dulin, il n'a donc pas prévu sa succession de manière très claire. Non, mais il faut dire qu'on n'était pas, je veux dire, c'était pas le tsarisme, donc il n'y a pas d'idée de véritablement de succession dans le sens où on a un parti communiste, un bureau politique à la tête du parti communiste, on a un conseil des commissaires du peuple, c'est-à-dire le gouvernement de la nouvelle Russie révolutionnaire, et au fond, normalement, on est dans de la direction collective. Lénine lui-même, même si évidemment sa parole et son action étaient déterminantes et même si parfois il a menacé de démissionner quand les autres n'étaient pas d'accord avec lui, quand même globalement Lénine par exemple n'est pas du tout un partisan du culte de la personnalité, donc il gouverne dans un collectif. Bien sûr, son poids est essentiel et il est considéré comme le fondateur du régime et le fondateur du parti, bien sûr. Mais en même temps, on est dans un régime qui ne pense pas véritablement la succession parce que on a une sorte de norme, de normalité qui est le parti qui dirige et les instances dirigeantes du parti qui dirigent. Avec le gouvernement. Donc il n'y a pas véritablement besoin de choisir un chef. Il n'empêche qu'il est conscient du problème à la fin de sa vie, il est conscient des dissensions très fortes et des divergences dans les politiques et les personnalités de ses plus proches collaborateurs et évidemment il s'en inquiète. En janvier 1924, quand Lénine meurt, comment se passe cette succession qu'on évoque, c'est-à-dire que j'imagine, comme vous l'avez expliqué Sabine Dulin, les instances se réunissent. À quel moment Staline est réellement au pouvoir? Faut attendre combien de temps? Staline va, parce qu'il est le grand organisateur du parti, va de fait organiser les funérailles, va aussi ouvrir le parti à ce qu'il va appeler la promotion Lénine, c'est-à-dire toute une série de nouvelles recrues pour le parti qui vont lui servir, à vrai dire, d'une masse de manœuvre au sein du parti, parce que ce seront des gens qui lui seront dévoués et notamment qui sont moins cultivés que ceux qui avaient été formés au marxisme au moment de la Révolution. Donc, il va tout de suite se saisir de l'occasion parce qu'il a quand même un poste qui est fondamental. Il a deux postes qui sont fondamentaux, qui sont des postes administratifs et organisationnels, mais qui vont jouer un rôle essentiel. Il est secrétaire du parti, donc c'est lui qui nomme tous ceux qui font fonctionner le parti et c'est lui qui organise les congrès, les élections, etc., au sein du parti. Et puis, sa deuxième fonction très importante, c'est qu'il est à la tête de l'inspection ouvrière et paysanne, qui est une sorte d'administration qui chapeaute l'ensemble de la bureaucratie, qui vérifie cette bureaucratie, qui l'inspecte. Et de ce fait, il a aussi un rôle dans l'État. Donc, d'un certain côté, il est le contrôleur en chef, à la fois du parti et de l'État, ce qui lui donne évidemment des marges de manœuvre énormes, plus ses liens assez forts avec la police politique, donc la Tchéka GPU, avec à sa tête Dzerzhinsky. Et donc il a vraiment tous les outils, en fait, pour gagner la lutte politique à l'égard des autres camarades de Lénine, Zinoviev, Kamenev, Trotsky, qui vont, eux, jouer plutôt une carte politique, c'est-à-dire de développer des programmes politiques qui sont parfois justement opposés les uns aux autres. Et Staline va jouer l'arbitre entre tout ça. Et c'est lui qui va l'emporter. Eh oui, il a su se placer avant, Staline, il était malin quand même. Avec la question qui se pose à la mort de Lénine, que faire du corps? Alors qu'est-ce qu'on en fait? Oui, alors là, c'est intéressant, cette décision de l'embaumement quand même, qui est quand même un peu complètement contradictoire avec tout ce qu'on peut imaginer du marxisme. Alors là, il y a sûrement plusieurs éléments. D'abord, au sein même du parti bolchevique, il y a un certain nombre de compagnons de Lénine, comme Bogdanov, Lunatcharsky, qui sont dans un mouvement qu'on appelle les constructeurs de Dieu. Gorky aussi en faisait partie, c'est-à-dire c'était des gens qui considéraient d'un certain côté l'homme était l'homme réincarnait Dieu. Enfin bref, ils ont une vision qui est sans doute complètement liée à un héritage qui est l'héritage de la Russie, une société très croyante, très orthodoxe, et donc il y a des éléments religieux, y compris dans le bolchevisme. Qui vont jouer un rôle à ce moment-là. Et puis, bien sûr, il y a l'idée de, dans un moment d'incertitude, parce que comme Lénine fait corps avec le nouveau régime politique, eh bien, il y a véritablement la peur d'une déstabilisation profonde du régime. Hein. Il ne faut pas oublier que la guerre civile n'est pas terminée depuis si longtemps, qu'à la fin de la guerre civile, on est dans un pays ravagé, détruit, et on est en plein début de la reconstruction. Il pourrait y avoir une nouvelle intervention étrangère contre ce régime bolchevique que toute l'Europe déteste. Et donc, de ce fait, il y a une incertitude. Il faut arriver à ce que la société fasse corps derrière le régime. Et de ce fait, dans une société très encore très traditionnelle, très religieuse, l'idée d'embaumer le corps de Lénine, c'est une manière de créer un nouveau pôle religieux pour l'ensemble des paysans qui avaient l'habitude d'avoir dans leur isba la petite icône orthodoxe pour tous les jours pouvoir prier devant elle. Et dorénavant, ils auront le petit coin Lénine avec là aussi une figure sainte finalement, celle de celui qui devrait être éternel, le fondateur du régime. Lénine fait corps avec le régime, oui, bah, ce corps-là est vite découpé. Sous cette cloche et sur ce lit d'ouate, un moulage du cerveau de Vladimir Ilitch Ulyanov. Un moulage parce que le vrai a été saucissonné en 30 000 fines lamelles pour examiner respectueusement, méticuleusement, les neurones du père de la révolution bolchevique. Pauvre Lénine, verdict d'une sécheresse toute scientifique, rien à signaler. Ça, c'est pour la structure anatomique et sans doute pour racheter l'immense déception de tous les léninophiles. Deuxième révélation, il était quand même doué. Personne ne nie que Lénine était un homme peu ordinaire, un homme de grand talent. Nous nous efforçons de voir si son cerveau aussi sort de l'ordinaire. Ouida, mais toutes cellules confondues quand même, la cervelle de Lénine avec 1,34 kg est plus légère d'un tiers que celle de l'écrivain Tourguenieff. Pire encore, derrière son large front bombé, niet en ce qui concerne les circonvolutions de l'arbre oratoire si nombreuses chez Mayakovsky. A contrario, rien à dire sur les cellules associées à l'évaluation et à la prévision des événements. Bon ben voilà, dans ce journal de 20h sur France 2 en 1994, on entend bien que le cerveau, Jean-Jacques Leclerc, ne va rien vous apporter pour comprendre Lénine et l'arme du langage. Avec, alors ce cerveau découpé en petits bouts, ça c'est une chose, le corps de Lénine embaumé. Mais il y a tout de suite ce mouvement de réunion de l'ensemble des écrits de Lénine. C'est imposant d'ailleurs, vous avez lu tout Lénine? Alors, il y a 45 volumes dans les œuvres complètes. Je n'ai pas lu la totalité de ces 45 volumes, mais j'en ai lu la plus grande partie. De toute façon, vous êtes tout excusé. Hein. Naturellement. D'autant plus que vers la fin de sa vie, il y a des volumes qui sont pleins de télégrammes. Et on a recueilli pieusement tous les écrits de Lénine. Et si on avait eu accès à ces listes de courses, je ne doute pas qu'il y aurait eu un 46e volume. Et donc, il y a effectivement un travail de piété qui est d'ailleurs fort utile pour nous maintenant, parce qu'on dispose d'une édition fort bien faite. Ils avaient de quoi se payer, l'Union soviétique avait de quoi se payer d'excellents traducteurs, et donc on a des textes qui sont utilisables aussi en français. Alors, un mot sur l'embaumement de Lénine. Il faut souligner quand même une ironie un peu noire, c'est que si quelqu'un aurait détesté l'idée d'être embaumé, c'est bien Lénine. Lénine ne participait nullement du culte de la personnalité, et l'idée que son cerveau puisse devenir l'objet d'une vénération l'aurait beaucoup choqué. Il était, lui, par exemple, tout à fait hostile aux constructeurs de Dieu contre lesquels il a polémiqué avec une grande vigueur. Ouais, parce que ici, il y a ce paradoxe, mais à vous écouter l'un et l'autre, on comprend comment se met en place ce mausolée, la place rouge, ce corps embaumé avec cette idée de conservation. Cet aspect religieux, Sabine Dulin, que vous évoquez, c'est ça aussi qui nous permet de réfléchir à cette temporalité. C'est une rupture, 1917, avec la révolution russe, mais malgré tout, faut le rappeler, hein, les gens restent les mêmes, ces phénomènes de génération, ils sont porteurs de toute une histoire. L'idée à la mort de Lénine, c'est de poursuivre son œuvre. C'est quelque chose qui est mis tout de suite en avant, l'idée que Lénine a mis en place quelque chose et que c'est ça qu'il faut continuer. Déjà, lors des funérailles de Lénine, on voit dans les défilés des nouveaux soviétiques hein, qui pleurent Lénine, on a des slogans comme Lénine éternel. Donc il y a l'idée de effectivement pérenniser à la fois une pensée et une action. Donc ça c'est incontestable. Maintenant, c'est effectivement Staline qui va construire le léninisme. D'une certaine manière, il y a d'un côté les 45 volumes qui viennent d'être évoqués, que bien peu de militants du parti de l'époque liront, hein, parce que c'est d'abord c'est une œuvre qui va se mettre en place dans la durée, mais de toute façon, les militants du parti dans l'entre-deux-guerres sont des gens qui n'ont pas les moyens véritablement de lire une pensée qui est malgré tout complexe et qui relève de tout le débat théorique du marxisme depuis le début du 20e siècle. Ce que fait Staline, c'est qu'il va écrire une sorte de catéchisme léniniste. Donc, c'est cette idée du léninisme qui aurait sûrement pas plu à Lénine, qui avait une pensée qui pouvait changer, qui ne voulait sûrement pas... il ne voulait sûrement pas en faire un dogme. Or, c'est ce que Staline va faire avec cet ouvrage qu'il écrit tout de suite après la mort de Lénine, Les bases du léninisme. Et ça va devenir le livre de chevet des nouveaux militants entrés au parti, avec donc un peu des mots-clés. Hein, les mots-clés pour réussir à transmettre, à faire de la propagande auprès de la société, etc., pour parler de ce que c'est que l'héritage de Lénine, de ce que c'est que le léninisme, c'est-à-dire une méthode d'action, et quelques termes qui vont devenir le diamat, le matérialisme dialectique enseigné dans l'ensemble des écoles. Et par ailleurs, pour ce qui est de la dimension internationale, très vite vont se créer dans le contexte de l'internationale communiste, donc de ce mouvement qui fédère l'ensemble de ceux qui veulent faire la révolution dans le monde, va se créer une école léniniste internationale qui ouvre en 1926, dans laquelle il y aura 3000 communistes formés avant 1938, la fermeture. Donc, pendant toute cette période, on va avoir 3000 communistes qui sont à l'école léniniste internationale pour apprendre à faire la révolution. Et ce qui est intéressant, c'est que là, c'est pas seulement des Européens, beaucoup viennent d'Asie, dans un contexte où il faut pas oublier que la pensée de Lénine, peut-être la plus, qui aura le plus de postérité, c'est l'anti-impérialisme. Eh oui, c'est en cela que Lénine a des échos longtemps, longtemps après, jusqu'aux années 1950, 1960. Jean-Jacques Le Cercle. Oui, le léninisme, c'est en réalité l'équivalent intellectuel de l'embaumement physique de Lénine. C'est un embaumement moral pratiqué par celui qui sera son successeur. Et effectivement, seulement 3 mois après la mort de Lénine, en avril 24, Staline prononce une série de conférences sur les problèmes du léninisme qui serviront de catéchisme. Mais je suis frappé, moi, par l'extrême différence entre ce léninisme construit par Staline, qui est en fait une façon de projeter sur un prédécesseur glorieux ce qui est une série de positions qui sont les siennes, avec des divergences notables, par exemple, et qui se maintiendront, par exemple, sur la nécessité de maintenir un appareil d'État très fort et qui conduiront à la dérive bien connue de l'Union soviétique et à une forme de dictature, non pas du prolétariat, mais sur le prolétariat et puis sur le parti et les excès que l'on connaît. Avec Sabine Dulin, en écho à ce que vient de dire Jean-Jacques Lecercle, l'idée que si Staline met en avant la figure de Lénine, c'est bien pratique, parce que déjà, puisqu'il est mort, il viendra pas contester, et puis ça lui permet d'effacer ceux qui le gênent, les opposants. C'est Lénine avant tout. Oui, oui, bien sûr, Lénine devient vraiment quelqu'un qui va aider à l'ascension de Staline. Et c'est en cela qu'il l'annexe à sa propre carrière politique et à sa propre volonté de pouvoir. Donc ça, c'est incontestable. Après, il y a une puissance du léninisme au-delà même de la personne de Staline dans le mouvement communiste international. Et finalement, tout le monde se revendique de Lénine. C'est-à-dire que le trotskisme, donc le développement donc de la pensée de Trotsky, puis lorsque Trotsky est déporté puis expulsé d'Union soviétique et devient donc l'opposant numéro un de Staline, et avec la construction donc d'un mouvement alternatif trotskiste à l'étranger, eh bien les trotskistes, bien sûr, se réfèrent à Lénine. Donc chacun revendique l'héritage de Lénine, et ça fait partie du débat. En France, où on a... notamment, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais quand même, des mouvements trotskistes assez importants, notamment parmi les jeunes. Et donc, on avait plusieurs organisations trotskistes. Si on prend les années 60, 70, 80, 90, il pouvait y avoir des jeunes Français qui se battaient entre staliniens et trotskistes pour dire « mais tu ne connais pas Lénine, relis Lénine ». Donc il y avait vraiment l'idée que Lénine était un acteur dans le débat sur le communisme à l'échelle internationale. Et effectivement, Lénine, par le biais de sa pensée internationaliste et anti-impérialiste, c'est bien ça qui pose problème à Poutine d'ailleurs, eh bien cette pensée internationaliste et anti-impérialiste avait véritablement des moyens de porter hein, assez loin. Si on prend le mouvement des Black Panthers aux États-Unis, eh bien, le livre de chevet d'un certain nombre des leaders des Black Panthers, c'est un des livres de Lénine, Matérialisme et Empirio-criticisme. Vous vous rendez compte? Ça, c'est les années 70. Oui, c'est ça, hein, parce que dans ces années-là, Lénine, où est-il? Qui représente-t-il pour tous ces gens, et notamment ce monde ouvrier? Dans ces années 1960-1970, Sabine Dulin, on dansait le jerk. Roger travaille dans une usine qui sent bon l'oxyde de carbone. Tous les midis à la cantine, il mange du poulet aux hormones. Roger admire beaucoup les mines, Roger admire beaucoup les nonnes. Et dans la fanfare de l'usine, le dimanche il joue du trombone. Le jerk de Thierry Hazard dans cette chanson. Alors, le jerk, c'est les années 60. La chanson est plus tardive. Un ouvrier, Roger, aime beaucoup Lénine, aime beaucoup Lennon. C'est ça aussi, le léninisme. Le léninisme, c'est quelque chose qui devient figé. Vous l'avez évoqué, Sabine Dulin, ces oppositions entre les staliniens, les stals qui n'ont rien compris, les trotskistes qui n'ont rien compris. Ce sont des mots qui nous échappent aujourd'hui. C'est devenu presque un étendard. D'ailleurs, est-ce que ce serait possible, l'un ou l'autre, hein, Sabine Dulin, Jean-Jacques Lecercle, de nous définir ce qu'est le léninisme? C'est quoi? Pour moi, le léninisme, c'est un contresens sur la pensée de Lénine. C'est-à-dire cet embaumement qui représente quelque chose que contre lequel Lénine s'est toujours élevé. C'est-à-dire, en fait, l'idée que la révolution d'octobre doit se poursuivre sous la forme d'un État fort et devenu, comme on dit maintenant, totalitaire. C'est-à-dire qu'en réalité, Lénine avait un concept de révolution et un concept de dictature du prolétariat, concept naturellement inaudible aujourd'hui, Staline est passé par là, mais il concevait la dictature du prolétariat comme une transition vers le dépérissement de l'État pour construire le communisme. Ce qui s'est passé avec Staline sous la forme du léninisme, c'est au contraire le maintien de l'État qui a mis en dépérissement le parti qui devait le faire dépérir. Et donc le léninisme, c'est quelque chose, c'est un mot qu'on utilisait beaucoup à l'époque, une déviation considérable de la pensée de Lénine. Et puis il y a le contexte qui est important. Allez-y Sabine Dulin. Oui, alors déviation, en même temps, les historiens qui ont regardé les archives soulignent aujourd'hui quand même une certaine continuité entre la période Lénine et la période Staline, entre le moment du communisme de guerre et de la terreur rouge et le moment de la révolution menée par Staline à la fin des années 20. Donc il y a quand même une continuité. Il me semble que on ne peut pas complètement mettre de côté, même si bien évidemment les personnalités sont très très différentes et que sans aucun doute il y a des choses qui ne se seraient pas passées de la même manière si Lénine avait continué à diriger l'Union soviétique. Mais quand même, il y a une continuité. Et c'est d'ailleurs dans le succès, disons, du léninisme dans le monde, c'est d'abord, le léninisme, c'est d'abord une méthode d'action. Ce que les régimes marxistes-léninistes, qu'ils soient en Afrique ou en Asie, ont pris chez Lénine, c'est l'idée d'une conquête du pouvoir avec des outils, c'est-à-dire un parti, une pensée une pensée par l'action, beaucoup, un certain opportunisme politique aussi qu'il y avait chez Lénine, qui était capable de récupérer les programmes politiques des uns et des autres pour l'emporter. Et également une vision anti-impérialiste qui a joué un grand, grand rôle. C'est-à-dire que s'il y a bien quelque chose qui a marqué en termes de pensée de Lénine sur la longue durée, c'est finalement son anti-impérialisme beaucoup plus conséquent que celui de Wilson, par exemple. Puisque si on prend Lénine et Wilson à l'époque, qui étaient les deux à parler du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes... Le président des États-Unis, tout à fait. Les deux parlaient du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes en 1917. Mais lorsque celui qui sera Ho Chi Minh, le leader du Vietnam communiste, mais qui à ce moment-là était encore un militant anti-impérialiste, lorsqu'il va écrire à Wilson, il n'aura pas de réponse sur le droit de son peuple à devenir indépendant et à ne plus être une colonie française. En revanche, il va avoir il va être tout à fait intégré à la nouvelle internationale communiste. Donc il y a un anti-impérialisme qui est beaucoup plus conséquent du côté de Lénine, c'est-à-dire que Lénine est pour la décolonisation des empires français, britanniques, ce qui n'est pas le cas en Occident. Et donc, le succès du communisme, finalement, c'est beaucoup dans les pays non européens. D'ailleurs, c'est là où il y a encore des régimes communistes qui pourraient être encore marxistes-léninistes, d'une certaine manière. Avec ici la profusion d'écrits de Lénine. Et il y a toujours cette idée, j'évoquais le contexte, vous venez de le rappeler, Sabine Dulin, il y a le léninisme utilisé à l'intérieur de l'URSS, il y a le léninisme vu de l'extérieur, et c'est la lutte contre l'impérialisme. Jean-Jacques Lecercle, dans la masse d'écrits de Lénine, est-ce qu'on peut dire qu'on trouve un peu de tout? Parce qu'il y a différents statuts d'écrits. Il y a ses écrits privés, ses écrits publics, un article de presse, c'est pas la même chose qu'un ouvrage. Est-ce qu'on peut puiser un peu tout? Est-ce que c'est comme ça qu'on construit le léninisme selon les intérêts des uns des autres? Sans doute, oui. Et Lénine, ayant une pratique du langage extrêmement abondante, a pratiqué toutes sortes de genres de discours et toutes sortes de jeux de langage. Il y a au moins trois types d'écrits qu'on trouve chez Lénine. On trouve des écrits théoriques, le plus connu étant l'État et la Révolution, ouvrage qu'il a écrit à un moment extrêmement important, c'est-à-dire au moment de la révolution russe elle-même, juste avant octobre. L'ouvrage est d'ailleurs, comme on sait, inachevé et se termine par une postface disant le chapitre 9 était déjà prévu, mais le réel m'a repris et la révolution a fait que je n'ai pas eu besoin de l'écrire. Et il dit, c'est finalement mieux si le réel l'emporte. Donc il y a un certain nombre d'écrits théoriques. Dès le début de sa carrière, un des premiers écrits de Lénine, c'est un volume massif sur le développement du capitalisme en Russie, qu'il a écrit quand il était très jeune. Et puis il y a une abondance de brochures de propagande. C'est-à-dire des textes qui ne sont semi-théoriques, dans lesquels il y a des éléments théoriques, mais aussi une adaptation à la conjoncture. J'ai pour ma part beaucoup travaillé sur la brochure qu'il a écrite sur les mots d'ordre, brochure qu'il a écrite pendant l'été 1917. Et enfin, il y a une abondance énorme d'articles de circonstances. Lénine s'appelait lui-même publiciste. Mot qui est aujourd'hui un peu désuet, mais qui finalement désigne un journaliste. Il y avait chez Lénine un grand journaliste qui écrivait sur des sujets très différents et qui écrivait sans arrêt. Donc on a une masse énorme de documents qui peuvent supporter effectivement différentes lectures de Lénine, différentes interprétations qui n'ont pas manqué dans l'histoire, bien entendu. La figure de Lénine, pendant le temps où Staline est au pouvoir, c'est toujours une figure mise en avant ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, si on prend, par exemple, la fondation de l'Institut du marxisme-léninisme, qui est l'actuel Argaspi, c'est-à-dire centre des archives du parti, on avait sur le fronton, comme pour la plupart des visualisations de cette lignée marxiste-léniniste, on avait Marx, Engels, Lénine et éventuellement Staline dans la suite. Hein. Donc c'était vraiment la quadrilogie de ce qu'il fallait connaître pour pouvoir agir dans la société. Et là, je voudrais revenir justement sur cette filiation Lénine-Staline, parce que dans les écrits justement de Lénine, comme dans ceux de Staline, cette deuxième catégorie que vous évoquiez sur donc c'est finalement ces écrits pour l'action, c'est le fait de vraiment les mots d'ordre, les injonctions, souvent il faut agir dans telle ou telle de telle ou telle manière pour telle et telle raison. Eh bien, c'est exactement aussi la méthode de Staline. C'est-à-dire que quand on lit un certain nombre de lettres de Staline, on a envie d'obéir tout de suite, tellement il y a une sorte de d'écrit qui est déjà de l'action. Et il me semble que ça, c'est quelque chose qui avait déjà été plus ou moins mis en place par Lénine. Et je pense que c'est un mode aussi d'écriture politique tout à fait particulier. Jean-Jacques Lecercle, il a eu le temps, Lénine, de réfléchir à la manière d'écrire. C'est vrai qu'il est né en 1870, il arrive au pouvoir en octobre 1917. Il a eu le temps de réfléchir, mais il a su le faire, ses écrits efficaces. Ses écrits sont effectivement efficaces. Et lorsque il cherche à penser ses écrits efficaces, comme c'est le cas dans la brochure sur les mots d'ordre, il cherche à les penser de façon finalement assez ouverte. C'est-à-dire qu'en fait, Lénine, c'est le penseur de la conjoncture. Le mot d'ordre efficace doit être adapté à la conjoncture, dont il doit dire par ailleurs quelque part la vérité, et il n'est efficace que s'il est à la fois ajusté au moment de la conjoncture, et donc à un moment donné le mot d'ordre doit être abandonné, et s'il est par ailleurs dit quelque chose sur la réalité objective de la situation. Il y a chez Lénine quelque chose qui est que je trouve assez attachant, c'est-à-dire cette capacité à s'adapter au moment et au changement du moment. Il y a la brochure sur les mots d'ordre s'adapte au moment du 4 juillet 1917, lorsque une manifestation des bolcheviques a mal tourné et a permis à leurs adversaires de reprendre le dessus. Et le moment où le mot d'ordre bolchevique, tout le pouvoir aux soviets, dit Lénine, devient caduque et dangereux et doit être changé. Et donc Lénine avait cette capacité à comprendre le moment où il fallait reculer, le moment où il n'hésitait pas à appeler une défaite, à appeler une semi-capitulation, comme dans le cas du traité de Brest-Litovsk avec les Allemands. Et il me semble que ça, c'est une différence notable avec son successeur. Oui, parce que c'est toujours réflexion entre la continuité qui existe entre Lénine et Staline, et on sait que ça fait l'objet de nombreux échanges, débats aussi, on peut le dire, avec Lénine qui récupère la figure, enfin Staline qui récupère la figure de Lénine, ça il n'y a pas de problème. Oui, mais Staline meurt lui aussi. Et à la mort de Staline, que va devenir la figure de Lénine ? Ici Constantin Zarnenko qui vous parle de Moscou. En effet, le 40e volume de la grande encyclopédie soviétique contenant la biographie du défunt généralissime vient de paraître à Moscou. La publication de ce volume, prévue pour avril 1956, avait été retardé à la suite du rapport sur le culte de la personnalité et ses conséquences présenté par M. Nikita Khrushchev au 20e congrès du Parti communiste de l'URSS. Désormais, Staline a définitivement cessé, semble-t-il, d'être un surhomme et ses nouveaux biographes se sont appliqués à rétablir un juste équilibre entre ses mérites en tant que marxiste et homme d'État et les erreurs qu'il avait commises durant la dernière période de sa vie. Nous pleurions en montant la garde devant la dépouille mortelle de Staline et nos larmes étaient sincères, mais nous le condamnons résolument pour les erreurs grossières qu'il a commises et qui ont porté un préjudice sérieux à l'œuvre du parti et du peuple, avait déclaré M. Khrushchev l'année dernière devant une assemblée d'intellectuels de Moscou. Ah bah, dénoncer le culte de la personnalité. Nous étions en 1958, Staline meurt. En 1953, on sait que 3 ans plus tard, il y a la dénonciation de ce gouvernement terrifiant, ce totalitarisme stalinien. Dites-nous, Sabine Dulin, que devient la figure de Lénine à ce moment-là ? Alors, il va y avoir un retour au léninisme, d'une certaine manière, puisqu'on évince et on dénonce les déviations de la période stalinienne. Donc là, il y a la création, justement, d'un type de relation entre Lénine et Staline par Khrouchtchev. C'est l'idée qu'il y a la bonne période, celle de Lénine, et puis la déviation, c'est la période de Staline. Alors, effectivement, c'est un retour à Lénine, d'autant que depuis la Seconde Guerre mondiale, en fait, il y avait eu une sorte d'effacement de la figure de Lénine, puisque dans le contexte de la grande victoire de l'URSS dans la Seconde Guerre mondiale, finalement, la Révolution d'octobre n'était plus la commémoration principale. On commençait à avoir davantage mis l'accent sur la victoire dans la Seconde Guerre mondiale. Donc la période de Khrouchtchev est une période de volonté de revenir au vrai léninisme, et donc fonde effectivement cette rupture entre Lénine et Staline, qui, du point de vue aujourd'hui historiographique, est discutable, hein, pour les raisons qu'on a déjà évoquées. C'est-à-dire que il y a malgré tout beaucoup d'éléments qui induisent plutôt des formes de continuité entre la période Lénine et Staline. Mais Khrouchtchev construit sa légitimité politique sur l'écart entre les deux. D'ailleurs, ce qui se passe en 1961, donc lors du 22e congrès, lorsqu'on va décider de sortir Staline du mausolée, puisque Staline avait été installé dans le mausolée en 1953 à côté de Lénine, et donc en 1961, Khrouchtchev fait un geste très fort, donc il va y avoir une décision lors du congrès de sortir Staline du mausolée. Et comment il utilise là une vieille communiste sortie des camps qui va dire qu'elle a été visitée pendant la nuit par l'esprit de Lénine et que Lénine ne supporte plus la présence de Staline à ses côtés. Donc c'est là aussi, on est, vous voyez, toujours, il y a quand même une petite dimension un peu religieuse, irrationnelle dans toute cette histoire. Et d'ailleurs, pour avoir visité un musée Lénine à Moscou au début des années 90, eh bien, on voyait effectivement comment on était dans... Voilà, on avait des gens qui venaient de partout pour visiter le musée Lénine et qui parlaient tout bas, comme dans une église. Donc il y avait vraiment cette dimension forte. Et toutes les grandes statues Lénine qui sont encore présentes dans toutes les villes en Russie aujourd'hui datent de cette période post-stalinienne. Avec là, ce que vous venez d'évoquer, c'est Staline qui est retiré du mausolée, qui est enterré. Alors pas très loin, bien sûr, ça reste un lieu de prestige, mais c'est quelque chose qui nous chamboule ici de voir l'évolution de la figure de Lénine qui échappe en fait à lui-même, on peut dire, Jean-Jacques Lecercle. C'est ça, et comme beaucoup de grands personnages de l'histoire, dès qu'il y a du isme derrière, on le voit bien, c'est une relecture, le léninisme, bah, c'est pas Lénine et sa figure elle-même, est instrumentalisé. Oui, bien sûr. Mais ça, comme vous dites, c'est le sort commun de la plupart des grands hommes de ce type. On a fait de Lénine une momie au sens physique comme au sens intellectuel, alors que la lecture de ses œuvres montre au contraire un véritable esprit. Et une véritable originalité. Ben, faut les lire. Bien sûr qu'il faut les lire. Il faut de toute façon tout lire comme document historique. C'est naturellement. Ça. Bon, il y a des raisons historiques à ça. La révolution d'octobre, quel que soit le jugement qu'on porte sur elle et sur ses conséquences, a été un événement historique mondial. Là, pour la première fois, la reproduction du capital a été interrompue de façon durable et à cette occasion, la civilisation capitaliste a su qu'elle était mortelle, c'est-à-dire qu'elle était une construction historique. Et puis, donc, elle a été porteuse d'espoir pour des millions d'hommes et de femmes. Hein. Après, avec, on l'a bien évoqué, on connaît cette histoire-là. On peut pas ici refaire toute l'histoire parce que c'est Lénine qui est au centre de nos préoccupations. Mais Sabine Dulin, moi j'entends bien ce que vous racontez, comment après la mort de Staline, Khrouchtchev remet en place Lénine pour le mettre en avant. Je vais vous faire écouter un document historique. J'aimerais bien que vous me le commentiez. Toi qui avais rêvé l'égalité des hommes, tu dois tomber d'eau. Évidemment, la chanson Vladimir Ilitch de Michel Sardou en 1983, un succès gigantesque. Mais alors, Sabine Dulin, Michel Sardou est dans la ligne pensée de Khrouchtchev, c'est de dire Lénine, c'était bien, et après ils sont devenus fous. Oui, il s'agit de, effectivement de faire un succès aussi, mais oui, bah c'est sûr que 83, voilà, c'est l'image classique de tous ces de ce qu'on appelle à l'époque donc les apparatchiks, voilà, ouais, ces apparatchiks assez âgés qu'on trouve au-dessus du mausolée, donc qui lors de ces parades, etc., des jours de commémoration, et où on voit donc Brejnev et les autres avec toutes leurs médailles, et qui donc un régime complètement qui semble complètement pris dans la glace finalement, et puis aussi avec l'idée d'inégalité sociale, d'une couche de nomenclature, la nomenclatura, hein, donc les apparatchiks qui vivent mieux que les autres, qui ont des privilèges, alors que incontestablement dans la vie de Lénine, s'il y a bien quelque chose qui est clair, c'est qu'il n'y a pas d'idée d'enrichissement du tout, hein. Il y a une grande simplicité dans la vie de Lénine, mais il y avait aussi une grande simplicité dans la vie de Staline, hein. C'est-à-dire que globalement, cette montée des privilèges et la bureaucratie en tant que classe privilégiée, c'est vraiment dans l'après-Seconde Guerre mondiale que ça se met en place. Avant, en fait, c'est pas. On peut être un cadre du régime, mais en général, c'est aussi souvent des postes risqués, puisqu'on peut se retrouver arrêté, exécuté. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est évoqué. Et bon, Lénine, effectivement, a réussi à apparaître comme celui qui serait l'opposé de Staline, même si, comme je disais, c'est pas franchement tout à fait la réalité. Et puis, une autre page d'histoire, c'est après la chute de l'URSS. Les symboles sont parfois plus difficiles à abattre que les hommes, c'est ce que les autorités roumaines ont appris hier. Le Conseil provisoire d'Union nationale au pouvoir à Bucarest avait en effet décidé de détruire une immense statue de Lénine qui trône sur l'une des plus grandes places de la capitale roumaine. Hier, des dizaines d'ouvriers se sont donc attelés à la tâche, mais après 6 heures d'efforts à l'aide de marteaux-piqueurs et de chalumeaux, ils ont dû renoncer dans leur entreprise. La statue a résisté à leurs assauts, Lénine à la vie dure. Alors nous étions ici pour une destruction de statue en Roumanie en 1990, hein, l'URSS. C'est à la fin de ce monde qui est en train d'être complètement chamboulé. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui quelque chose sur la figure de Lénine? Elle est toujours très présente en Russie. Elle est encore dans toutes les places en Russie. Là où elle a été déboulonnée, c'est dans les anciennes républiques qui sont devenues indépendantes. Au Kazakhstan, vous n'avez plus une seule statue de Lénine. Elles ont été remplacées par des héros kazakhs. Mais en Russie, on a encore des Lénines un peu partout. Et on a encore Lénine dans le mausolée. Alors après, si on écoute Poutine, on voit bien que Poutine se construit son pouvoir en opposition ce qu'a été Lénine, hein, puisqu'il considère que Lénine avait posé une bombe sous la maison Russie et qu'il a été le plus grand destructeur en fait de l'Empire, ce qui est vrai, plus grand destructeur de l'Empire, et par ailleurs qu'il aurait créé l'Ukraine, puisque l'Ukraine, effectivement, est devenue une république soviétique dans le contexte de cette fédération soviétique qui avait été voulue par Lénine. En 1917, hein, juste après la révolution. Entre 1920 et 1924, oui. Donc il y a effectivement un peu cette contradiction dans l'Union soviétique, dans la Russie actuelle, qui est qu'on continue à avoir Lénine présent dans l'espace public, et en même temps, on a un dirigeant qui, en fait, se réfère beaucoup plus à Staline qu'à Lénine. Staline est d'ailleurs beaucoup plus populaire, en général, en Russie. Hein. Ce qui est toujours très étonnant, d'ailleurs, Jean-Jacques Le Serre. On comprend pourquoi Poutine ne peut pas supporter Lénine, c'est que Lénine, effectivement, un grand internationaliste, avait pour ennemi principal ce qu'il appelait le chauvinisme grand russe, c'est-à-dire le nationalisme de la nation dominante dans l'Empire tsariste. Et effectivement, il a été, parmi ses camarades, un des rares, à soutenir le droit, non seulement le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes pour ce qu'on appelait les nations allogènes, mais le droit d'aller jusqu'à la séparation. ce qui, dans le contexte actuel de l'Ukraine, n'est pas sans importance. Et oui, parce que c'est ça aussi hein, qui nous intéresse, c'est l'utilisation aujourd'hui encore de toutes ces figures. Merci vivement à tous les deux. Hein, Sabine Dulin, avec votre bibliographie sur le cours le, France Culture, le cours de l'histoire, vous avez publié récemment The Russian Revolution et l'Asie, parce que vous l'avez évoqué, mais c'est vrai que le léninisme, aujourd'hui, c'est en Asie qu'on va le retrouver, le marxisme-léninisme, notamment évidemment en Chine. Et puis, Lénine et l'arme du langage, c'est votre ouvrage, Jean-Jacques Le Cercle. Merci à tous les deux. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Comment les peintres ont-ils représenté l'histoire de l'esclavage? Pendant longtemps, les Africains ont été quasiment absents de la peinture européenne, car très peu de tableaux avaient pour thème l'esclavage ou la colonisation. Les choses ont commencé à changer au XVIIIe siècle. Le fait d'avoir à son service un domestique noir a été perçu alors comme un signe de noblesse. Ce qui a conduit les peintres à multiplier les scènes de genre où figuraient de petits négrillons. L'exemple le plus connu est celui de Zamor, le page de la comtesse du Barry, auquel j'ai déjà consacré l'une de mes chroniques. Au XIXe siècle, quelques peintres ont commencé à utiliser leurs pinceaux pour dénoncer l'esclavage. Le châtiment des quatre piquets, peint en 1838 par Marcel Verdier, est l'une des rares œuvres qui montre une scène de sévices corporels infligés à des esclaves dans les colonies. L'abolition définitive de l'esclavage, qui date en France de 1848, a été célébrée par le peintre François-Auguste Billard dans un tableau centré sur deux esclaves noirs, un homme et une femme, brisant leurs chaînes. L'ancien esclave est devenu alors le symbole du combat pour la liberté. C'est aussi au XIXe siècle qu'apparaissent les premières œuvres qui s'engagent dans le combat en faveur de l'égalité des races. Cet idéal humaniste apparaît notamment dans le portrait de Madeleine, intitulé au départ « Portrait d'une négresse », peint par Marie-Guillemine Benoît en 1800, aujourd'hui conservé au musée du Louvre. Assise dans un fauteuil à médaillon, drapé d'un riche tissu, cette femme, qui était sans doute une domestique guadeloupéenne, occupe la place traditionnelle réservée jusque-là aux femmes blanches des classes aisées. Si les peintres ont contribué à leur manière à lutter contre les discriminations, ce processus n'a pas été linéaire. C'est ce que montre par exemple l'histoire du tableau intitulé aujourd'hui « Bélisaire et les enfants frais », conservé au Metropolitan Museum de New York. Il a été peint en 1837 par Jacques Amand, un artiste français né en 1801, qui fut portraitiste à la Nouvelle-Orléans dans les années 1840 et 1850. Sur ce tableau, on voit à l'arrière-plan le visage de Bélisaire, le jeune domestique de la famille Frey, qui se tient droit, les bras croisés et le regard profond. Les spécialistes affirment qu'aux États-Unis, il s'agit là du premier tableau représentant un esclave dont on connaît le nom. Pourtant, au cours des décennies suivantes, le jeune domestique a été effacé du tableau. Il a fallu attendre l'année 2005 pour qu'il réapparaisse grâce à une restauration de l'œuvre demandée par son nouveau propriétaire. Deux hypothèses ont été avancées pour expliquer cette mystérieuse disparition. La première est que les descendants de la famille Frey ne voulaient pas voir un personnage noir à côté de leurs ancêtres blancs. La seconde soutient, à l'inverse, que la famille n'était peut-être pas fière d'avoir un esclave sur un tableau parce que cela impliquait de passer pour une famille d'esclavagistes. Bien que les deux hypothèses soient contradictoires, elles aboutissent au même résultat qui consiste à effacer un aspect de la réalité historique pour satisfaire aux normes idéologiques du moment présent. Merci Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui à la technique Mélodie Esman, émission préparée par Anne Toscan-Viudès, Jeanne Delecroix, Jeanne Copper, Raphaël Laloum, Maïwen Guizhou. Merci à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Ces émissions et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.